prêt à démarrer sur Skyrock, McTyre, Maître Gims, son Planet Rap. Let's go! Planet Rap exceptionnel sur Skyrock avec McTyre et Maître Gims. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, c'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Et quelle semaine dans Planet Rap, avec d'un côté Monsieur McTyre qui est là, comment va? Ça va Fred, et toi? En pleine forme. En pleine forme, on revient de Cuba un peu. Ouais, bah, j'ai appris ça pour le tournage du morceau, justement du clip. En tout cas, laisse-moi te dire, on va en parler dans un instant. Ouais. McTyre est là et Maître Gims aussi, de retour. Gims parmi nous, comment va? Ça va Fred. Alors, ce petit séjour cubain? Ah bah magnifique. Magnifique, franchement, j'avais jamais vu Cuba d'aussi près. D'aussi près. C'est impressionnant le charme de cet endroit. T'as l'impression que tout s'est arrêté là-bas en fait. C'est ça qu'on ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, voiture et tout est sur Hollywood. Il y a un truc sur pause ouais, là-bas. Wow. Non, c'est magnifique. Et il y a le clip qui arrive, donc vous avez tourné le clip de Laisse-moi te dire. C'est quoi? C'est le premier extrait officiel de ouais, l'album? C'est le premier extrait officiel de mon album Je suis une légende. Et voilà, c'est bien, on a fait un beau truc, ça va être beau. Bon, on va revenir évidemment sur ton parcours avec l'aide de Gims, voir aussi pourquoi il t'a signé sur le label Monstre Marin. Okay. Revenir évidemment sur les classiques de Tandem, hein, qui a été ton groupe à l'origine, qui a permis de te révéler aussi. Okay. On va en parler durant ce soir. Gims, on parlera aussi de cette tournée, parce que ça y est, c'est annoncé, c'est officiel. Le Warano Tour qui débutera le 12 novembre. Le 12 novembre à Nantes, je sais même la ville, t'as vu ça? Au Zénith de Nantes, qui va passer par Orléans, par Lille, par Caen, par Dijon, par le Dôme de Marseille. Par le Zénith de Paris, c'est par Bercy, qu'est-ce que je disais? Par Bercy, il y a même un peu, il y a la Belgique aussi. La Belgique, on va en parler aussi tous les soirs. Et ça, alors même si ça vous paraît loin, prenez les places déjà maintenant. Parce que ça peut aller très vite. Il va se passer des choses qui vont faire qu'il y aura des embouteillages. Bon, et puis d'ailleurs, à cette occasion, si vous avez déjà acheté vos places, alors vous nous envoyez une petite capture d'écran, par exemple, si vous voulez acheter sur le net, ou alors une petite photo de vos places, vous l'envoyez à l'adresse que je vais vous filer maintenant. L'adresse mail, c'est planetrap@skyrock.com. On fera un tirage au sort, ce sera vendredi dans l'émission. Et on va dire combien de personnes auront la chance? Deux personnes? Deux personnes pourront assister aux répétitions, là au mois de novembre, au mois de décembre. Quand Gims passera près de chez vous, vous assisterez aux répétitions. Donc achetez les places dès maintenant, les places qui vont s'arracher pour la tournée de Gims. Faites une petite photo, envoyez à planetrap@skyrock.com. Bon, est-ce que tout va bien sinon, messieurs? Tout va bien, tout va très bien. On n'entend plus... Tout va bien. Ouais. Avant de débuter cette émission et parler un petit peu non seulement du passé, du présent et du futur, on va se rappeler, on a fait un petit medley entre vous deux, entre Gims et McTyre. Donc pour se rappeler tous les sons qui nous ont fait kiffer, danser, réfléchir, ça donne ça le medley. Aye. Ladies and gentlemen. Ce soir, Skyrock reçoit McTyre, Maître Gims dans Planet Rap. Skyrock. Accusé, levez-vous, monsieur Socrate. Dit McTyre, né à Aubervilliers le 23 avril 79. J'ai grandi parmi les youfs. Laisse-moi te dire que tu perdras. Oui, la rue t'obligera à lui prouver ton courage. Et tu te bats pour une Planet Rap. Planet Rap. Je tisse des liens, j'en perds le fil. Bâtis ma vie, construis ton vie. C'est Planet Rap sur Skyrock. Je me lève à n'importe quelle heure. Rien à foutre, j'ai pas de patron. Je prends mon pif dans la street. En studio, en baroude avec les potos, rien qu'on rôde. J'me tire, demande-toi pourquoi j'suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir. McTyre, Maître Gims. Des choses hallucinantes. Je me frotte les yeux, les mains, trempé dans du piment. Faire le clou, mais voilà, gros, t'es rincé. Ça pue sa mère, piquer sa vie, tiens, elle ne plein. Ça pue sa mère, tu te fais regarder, tu reviens pour douiller le videur. Ça pue sa mère, ça part son nu sur Instagram et Twitter. Ça pue Planet sa rap, Planet Rap sur Skyrock. C'est où Lucie? s'y faire. Trop tard pour un pull-up, sans déjà les menottes qui se serrent. Tu peux rien faire, négro. J'passe en un clic de sauvage, la rue c'est chaud. Et dans la caisse, on est comme dans un sauna. Ne me parle pas de rue, ne me parle pas de rue. Ce n'est pas vrai, tout est faux, on t'a jamais cru. Ne me parle pas de rue, ne me parle pas de rue. Ce n'est pas vrai, tout est faux, on t'a jamais cru. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus d'OV. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes forts. Ma banlieue nord que des gros sous, pourtant nos mains sont dans la boue. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus d'OV. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes forts. Levez les bras si vous êtes forts. Vous êtes envoyé devant la cour d'assises pour tentative d'assassinat sur monsieur MacGregor, né à Saint-Denis. Lors de l'instruction, vous avez nié les faits. Expliquez-vous aujourd'hui sur ce qui vous est reproché. Planet 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Planet Rap avec Mac Taylor et Maître Gims. Voilà, on n'a pas pu tout mettre, hein, vous en doutez, sinon on était là jusqu'à jusqu'à l'an prochain avec tous les sons. Il y a une bonne énergie dans le medley. Ah ouais, medley à l'instant entre Mac Taylor et Gims sur Skyrock entre 20 et 21. On va revenir un petit peu évidemment sur votre histoire en commun tous les deux et puis sur cette signature Gims. Ouais. Toi, tu le voulais, Taylor. Tu voulais. Tu pour voulais moi, l'avoir je vais pas te mentir. C'était un peu. Je m'y attendais pas du tout. C'était inespéré, on va dire. Ça a choqué beaucoup de gens. Hein. Ouais. Ça a choqué beaucoup de gens. Je pense que c'est vraiment c'est l'artiste qui a apporté, j'ai envie de dire, une crédibilité vraiment au label. Tu vois, parce que moi à la base je suis quelqu'un, je me suis fait connaître avec du rap, j'ai toujours rappé, tu vois. Après voilà, mes titres sont connus à travers l'Europe, etc. La France, c'est des sons dans lesquels je chante, et donc je perdais un peu cette image de rappeur, etc. Et Mac Taylor, si tu veux, c'est venu confirmer, il a mis un tampon en fait, tu vois, il a mis un tampon, c'est venu vraiment confirmer tout ça, donner un poids au label, etc., à Maître Gims, à ce qu'il fait, etc. Ça a été un plus, vraiment un plus pour moi. Ça a venu dans. Toi, tu te souviens les premiers sons que t'as écoutés, je suppose que c'était à l'époque de bien Tandem. Sûr. De... Ah oui. C'est des sons qui t'ont marqué. On en parlait à Cuba, moi, bien sûr. Moi, ça a bouleversé beaucoup de choses dans ma vie, dans la vie des membres de la section d'assaut. Nous, quand on a découvert Tandem, c'était de la folie. On a mis pause, on s'est arrêté, on s'est regardé, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait revoir nos textes, qu'il fallait. Mais vraiment, tu vois, qu'on a écouté Imagine de Mac Taylor. On le remettra peut-être d'ailleurs ce soir. Ouais, c'était un truc de fou. Je m'en souviens encore comme si c'était hier, tu vois. C'était Imagine, Vécu de Poissard, tous ces sons-là, ça a bercé. Nous, on a été éduqués avec ce rap français là. Et toi inversement, les premiers sons que t'as entendus, c'était avec la section peut-être le premier son Kim, c'est non, le souvenir c'est la section d'assaut, c'est la section d'assaut. Je me rappelle, j'avais été sur un site de rap et tout, j'avais vu une vidéo sans moyen de Muggy avec Black M, une vidéo divisée en deux. Tu vois, c'est ce que je lui disais. Ouais. Et apparemment, le deuxième son, c'était 30%. Et j'ai dit quoi, ces jeunes-là, ils sont obligés. Et même après, quand ils commençaient à avoir leur ascension, on se croisait sur des petits événements au tout début. Ouais. Et genre, vous êtes croisés quand la première fois, vous vous souvenez ou pas? C'était sur pareil, oui, des événements, des trucs. On s'est croisés au Quai 54, Quai 54. Ah, c'était les fameux. Et des tournois de foot, des tournois de basket. Exactement. Quai 54. On s'était croisés là, donc on commençait à discuter là. Quand il t'a proposé de rejoindre Monstre Marin, tu y as été direct ou pas? Oui, moi en fait. C'était quand même un questionnement en train de dire. Non, parce que je sais. En fait, on s'était le peu de fois qu'on s'était croisé avant, on avait eu pas mal, des petites discussions un peu intéressantes qui nous permettaient de savoir comment chacun on était de notre côté. Et puis je pense que ça l'a surpris, mais il a compris quand j'ai accepté, pour quelles raisons j'avais accepté. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui on va essayer de montrer au rap français que justement les rappeurs ne sont pas là que pour se clasher, ils sont aussi là pour essayer de faire des choses constructives, des trucs constructifs. Et j'espère que ça va donner une nouvelle dynamique au rap français aussi en général. Bon, concrètement, l'album de Mac Taylor, c'est quand alors? Le 20 avril. Ça y est, on peut l'annoncer, c'est 20 avril. On peut l'annoncer, ça y est. Ouais. Avec déjà ce morceau contenu. Oui, il y avait aussi des gens qui demandaient si le morceau précédent que tu avais balancé sera aussi. Tout se paye. Non, c'était juste un extrait qu'on avait sorti pour annoncer la signature chez Monstre Marin, mais il n'est pas dans l'album. D'accord. Donc là, ce qui sera sur l'album, c'est le morceau qu'on va écouter maintenant. Voilà. Et puis on continue à parler aussi de ce parcours entre vous deux avec Gims, avec Mac Taylor ce soir et toute la semaine dans Planet Rap. Yeah. Voici le morceau Laisse-moi te dire maintenant. Mac Taylor, le 20 avril dans les bacs. Laisse-moi te dire, featuring Maître Gims, Monstre Marin Corporation. Collaboration. J'éteins ma télé, j'éteins ma lumière, puis j'éteins mes bougies. Je me rends compte que je suis seul et que tous mes amis, oui, sont partis trop vite. C'est tout. Il y en a qui ont simplement disparu, ouais. Comme tous ces frères qui se font tuer dans le la 20 rue. Avril dans les bacs. J'ai brûlé les ailes dans le ciel parce que j'ai voulu grandir trop vite. X Kings. J'étais plusieurs au départ, on voyait rien dans le blizzard. Oui, oui. On cherchait la lumière, mais j'avais des potes à moi qu'on avait peur comme l'Est. 93 Aubert. On a rendu fou nos darons. 75. Sauf que Sofia n'en avait pas. Donc sache petit frère que ce que tu vis dans ta vie, je l'ai vécu autrefois. Laisse-moi te dire que tu perdras, lui la rue t'obligera à lui prouver ton courage. Ah, tu te bats pour une femme qui au final ne t'aime pas. La rue te fait du charme, oui je t'ai vu dans ses bras. Black House. Laisse-moi te dire que tu perdras, lui la rue t'obligera à lui prouver ton courage. Tu parmi les douves, le soir ça allait voler de turfois. J'ai toujours été sûr de moi, des larmes et de la peine autour de toi. J'ai grandi parmi les douves, le soir ça allait voler de turfois. J'ai toujours été sûr de moi, des larmes et de la peine autour de toi. J'éteins ma télé, j'éteins ma lumière, et j'éteins mes bougies. Moi j'ai fait des gosses, Sofiane qui sort de Dupuis. C'est fou ce que le temps passe vite. Il veut des nouvelles de Mamadou, mais Mamadou nous a quittés. Il cherche des nouvelles de son ex, mais la belle il a joué marié. Frérot dehors, les choses ont changé. C'est ton tour des petits frères de manger. Le 20 avril dans les packs. On a fait nos temps, comme on a tout niqué, comme on s'est fait niquer. Il m'a dit saut, parle pour toi. Au moins t'as une mifa qui est là pour toi. Donc sache petit frère que ce que tu fais dans ta vie, je l'ai 2015, vécu autrefois. C'est à nous. Laisse-moi te dire que tu perdras, lui la rue t'obligera à lui prouver ton courage. Et tu te bats pour une femme qui au final ne t'aime pas. La rue te fait du charme, oui je t'ai vu dans ses bras. Wouh. Laisse-moi te dire que tu perdras, lui la rue t'obligera à lui prouver ton courage. Je suis une légende de 20 bris dans les bacs. La France est à nous. J'ai grandi parmi les douves. Le soir ça allait voler de turfois. J'ai toujours été sûr de moi. Des larmes et de la peine autour de toi. J'ai grandi parmi les douves. Le soir ça allait voler de turfois. J'ai toujours été sûr de moi. Un son le véritable. Des larmes et de la peine autour de toi. Oui, oui, si, si. Tailleur et Maître Games au monstre marin. Yeah. Can you feel it? C'est vrai qu'on comprend mieux Cuba quand on entend ses cuivres, ses trompettes dans le morceau. À l'instant, ouais. Laisse-moi te dire le morceau avec Mac Taylor et avec Gims. D'ailleurs, surprenant, c'est vrai ce morceau parce qu'il y a une tendance en ce moment. On le voit un peu côté trap musique et tout. Et vous arrivez avec un son voilà, qui peut nous rappeler aussi, même d'ailleurs, les sons des années 90. Contre-pied. C'est ça. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est en fait à la base, c'est Gims qui m'avait envoyé l'instru. Avec un yaourt de son refrain. Ça veut dire que le thème n'était pas déterminé. Ouais. Et il m'a dit, je sens que si tu arrives à, tu vois, à dompter l'instru, à donner un genre de contre-coup à l'instrumental avec un thème un peu profond, on peut essayer de faire quelque chose de bien. Et je l'ai fait et tout. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute là ce que je viens de faire et tout. Il a dit, ah, mais là c'est lourd de fou et tout. Mais toi tout de suite t'as pensé un peu ce côté nostalgique justement, se rappeler l'histoire, les potes. C'est ça. Tout de suite ça m'est venu à l'esprit. J'ai eu une inspiration soudaine, direct. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je crois que j'ai fait un truc de ouf et tout. Il a écouté. Après il a dit, vas-y. Il a eu l'inspiration. En fait après il s'est imprégné du truc et au niveau de l'écriture. Et puis après voilà. On l'a senti tout de suite que ce morceau allait faire un diff. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, ouais, même des petites façons aussi dans le morceau, quand t'écoutes bien, ça m'est venu un peu plus tard aussi dans le morceau. C'est tous les fameux bacs que tu rajoutes. Ouais. Pour illustrer à chaque fois les phrases, les bougies. C'est des trucs qui se faisaient beaucoup, justement. Dans les années 90. Tu vois, dans les années 90, c'était beaucoup de bacs comme ça, des petits. Parce qu'on est des Wu-Tang Killer Bees. Et je me suis dit, il y a un petit, même si ça sonne très très neuf, hein, c'est un titre quand même neuf, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais il y a ce petit côté aussi avec, justement. Influencé par ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est de toute notre, tu vois, toute notre vécu hip-hop, et je pense que c'est ce qui fait la magie du titre. Bon, c'est le premier extra officiel. L'album arrive donc le 20 avril. Ouais. Je suis une légende. I'm a legend. Voilà. Yes. Album de Mac Taylor qu'on attendra impatiemment, donc sorti le 20 avril. Mmh. Prochain titre qui vont débattre. Est-ce qu'on aura le droit à des titres inédits ou pas durant cette semaine? Ou c'est encore un peu trop tôt? Est-ce qu'on aura le droit à des titres inédits De Je suis une légende, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. C'est trop tôt. On va pas commencer. Trop tôt, arrête. Ouais. Ou est-ce qu'on aura des titres inédits de l'album solo de Gims? Alors là, qu'a-t-il dit? Durant cette semaine? Non, toi, t'es pas dessus encore là. Hein. C'est pas la priorité, le solo aussi. Ah non, là, on est sûr. Là, la priorité, c'est pas du tout le solo. Là, c'est I'm a Legend. Mmh. Je suis une légende qui sort le 20 avril. On est là pour ça. On va parler de la tournée aussi. Ouais, la tournée. Mais il y a des surprises après. Tu sais bien que pendant Planet Rap, tout peut se passer. Je sais bien qu'il y a des surprises. Il y a des surprises. Donc, la tournée, je rappelle, pour Gims, qui débute le 12 novembre au Zénith de Nantes. Et si vous avez déjà pris vos places à Nantes, à Orléans, à Grenoble, partout, vous envoyez à l'adresse planetrap@skyrock.com l'un ou l'une d'entre vous. Il y en aura deux en fin de semaine qui iront assister aux répétitions de la tournée de Gims. Donc n'hésitez pas, même les captures d'écran, hein, si vous avez acheté vos places sur les différents sites en ligne. Donc n'hésitez pas avant vendredi. Petit point aussi sur ce qu'on voit sur le net, vous allez me dire vrai, faux, vous pouvez détailler ou pas. Tiens Gims, tu as été contacté pour faire un film au ciné, vrai ou faux? Vrai, ouais. Et alors? Le rôle ne m'a pas plu. Ah. Et donc, rideau, non, rien? Donc, pour l'instant, donc, ciné, non. Il n'y a pas eu de suite, quoi, mais bon. Toi, Mac, d'ailleurs, c'est un truc qui te plaît, hein, l'image, parce qu'à chaque fois qu'on voit les clips, il y a des trilogies, d'ailleurs, hein, des clips qui ont marqué. C'est vrai. J'ai une culture un peu cinéphile, un peu pointue, et voilà. C'est des choses qui m'ont un peu toujours intéressé. Après, parfois, il n'y a pas le temps et tout. Je sais que j'avais fait un casting, on m'avait pris pour un gros film et tout, mais au final, j'ai pas pu parce que j'arrivais à peu près à trouver le bon timing. Le bon timing, il fallait choisir. Bon, bah la suite, hein. Voilà. Vous nous tiendrez au courant. Mmh. Question pour Mac Taylor, vu sur le net, t'as longtemps hésité avant de signer sur le label Monstre Marin, vrai ou faux? Non. Non. Non, parce qu'à la base. C'était assez rapide. Non, c'était assez rapide. C'est H Magnum. Tu vois, c'est un très bon sauce à Maître Gims. On avait discuté une fois de ça par hasard. Et on s'est aperçu que c'était logique de le faire. Il est toujours au milieu de tout ce masque. C'est H Magnum, incroyable. Ce H Magnum a le droit à des titres. Il bire du Dream en permanence. Le droit à des titres incroyables pour l'évolution du hip-hop, en tout cas. Donc t'as pas hésité longtemps. Question tient pour vous deux. Il y a un album en commun de prévu. Watch the Throne. On verra. Peut-être. Qui sait? Ce serait une expérience qui vous tenterait ou... Bien sûr. T'sais, on a tellement de retard sur les Américains. Je pense encore au Jay-Z, R. Kelly qui date des années. Laisse tomber. Après, tu vois, c'est des mentalités qui... Best of Both Worlds. Laisse tomber, ouais. Incroyable. Bref, cet album. Il faut plus de trucs comme ça, je pense. Après, la tournée a été un peu plus compliquée, donc je vous souhaite pas parce que Jay-Z et R. Kelly, après, ils sont pas entendus. Ouais, ça, il y a une date ou deux, je crois, et après, les mecs se sont dit, bon, trop d'ego sur scène. Ça a pas pu aller trop loin. Gims, une petite question vue sur le net, vrai ou faux? Il paraît que tu vas faire les 24 heures du Mans avec ta Ferrari. Mais quoi? Tu vas faire les 24 heures du Mans avec ta jolie Ferrari que tu as mis en vidéo. Non, pas du tout. C'est pas prévu? Non, c'est pas prévu. De 24 heures du Mans, rien? Non, c'est pas prévu. Ok. Et enfin, pour Mac Taylor, est-ce qu'on peut dire que Tandem, c'est définitivement fini? Le groupe? Ah non, on sait jamais. Vraiment. Jamais. On sait vraiment. Tu as raison de dire ça. Parce que la musique est faite de pas mal de choses et tant qu'on est en vie, il peut se passer toutes choses, hein, tu vois, c'est... Il n'y a que la mort qui est définitive. C'est pas d'actu, en tout cas. Ah. Là, l'actu, c'est le 20 avril avec l'album. Et puis, tiens, on va se replonger, puisqu'on parlait de Tandem maintenant avec un morceau que. Qui me tient à cœur. Tout le monde a dû saigner, Gims, toi aussi y compris. Ouais. Ce morceau, c'est le fameux 93 Hardcore. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est intéressant. J'avais envie de passer ce morceau ce soir, histoire de rappeler un peu les bases. Les bases. Et les bases et puis les clips aussi, allez mettre aussi les images. Parce que ah oui, y a ça eu... c'était... Ça fait partie ça des fait... clips cultes du rap français. Des clips cultes du rap français. Ça fait exister la rue. Un game changer, comme on dit. Allez, 93 Hardcore, Tandem. Tout le monde veut se la mettre, c'est la fin des haricots, y'a plus de lobby. 93 hardcore. Levez les bras si vous êtes forts, ma voile nord que des gros sous, pourtant nos mains sont dans la boue. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre, c'est la fin des haricots, y'a plus de lobby. 93 hardcore. Levez les bras si vous êtes forts. Dans mon 93, gros, on est trop dans les dièses. Quand on baisse, c'est des putains sans feuilles, pas nos cinq bois, département du bon char. On veut s'en mettre plein les fouilles, mais petit, je te l'ai dit 100 fois, personne n'est sans faille. Lucifer, t'es trop bonne, viens qu'on s'envoie en l'air. Infidèle, madame misère est trop frêle, et beaucoup trop laide. Pour qu'on s'entraide, faut du profit. Prolo, pour qu'on reste au beau fixe, faudrait moins de flingues et plus de prix. Car ça a le vécu, chez nous y'a pas de sécure, y'a qu'on nous parle. Mathématiques modèles, ça vient d'Aubaine. T'as fait de belles études, c'est mieux qu'une grosse peine, c'est tu. Que faire du bitume, c'est voir des frères qui s'entubent ou qui s'entretuent. Le balafré. Moi j'ai crié ton plan macabre. Plus de jeunes à la mort, ça fait moins de jeunes à la barre. La vie que j'ai, tu la connais par cœur, vu que c'est partout la même. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Même condamné, on s'en rencontre. On trouve des combines, on est combien. Vouloir compter des soliens par centaines. On vit sans paix, trop de peine, vas-y garde la pêche. Trop de pères en babouche, regarde leur fils tomber à bobo poche. Les poches vides, on a pas les traites, on bat les cartes de nos vies. En bas de la tête, scène Saint-Denis, fallait pas le test. Que des cadavres, se fallait pas. Et des gauches un peu tout part. Tu flippes, mais c'est mon 93, tout ça. Que des mecs morts sous des becs à nourrir sans un copec. Les decks sont vraiment sans respect, mais j'emmerde et te respecte. Si personne est vierge, comme nos casiers judiciaires, imbécile, tu fais qu'une merde déçue quand tu niques la justice. Gros, la rue n'est qu'un cercueil ambulant. Il suffit d'un coup de feu pour qu'on appelle ambulance. Ouragan, hey, bah, je t'entends quoi, frérot? Je n'en peux plus, me dis bon, tu plantes ton coffre ou je te sortirai mon gun. Au moins tu veux s'allumer, au moins tu veux se la mettre. J'ai placé une bourrine pour Linder, Doudou, Slimane. Levez les bras si vous êtes fort. Ouais, Jusman, ouais, Jusman. Dans mon 93, rien que ça marche qu'à la testostérone. Allez viens goûte au sérum, si tu te débiles on te dérobe. Si tu rechines, protège ton sternum. On est tous des hommes et tu pourras rien y faire. À ma deuxième famille de Saint-Denis, les frérots, on est là ou quoi? On s'endurcit parmi les impulsifs, on prend pas de raccourcis. Vu qu'ils peuvent réduire ton espérance de vie. On rêve tous de tir à 40 millions de dollars. Et pour coopératrice, tu auras sûrement pas son mot à dire. Alors pour y parvenir, tous les moyens sont bons. À ma double vie, tu m'as le KRE. Avant que tu puisses un jour t'amortir. T'imagines bien que dans mon 9-3, on sait y faire. Que ce soit dans le sport ou le terre-terre, dis-toi bien qu'on nique ta mère. Mais ce bâtard veut nous foutre au trou. Maintenant comment son petit va pécho son bout. On est pertinemment conscient de tous nos échecs scolaires. Mais tout serait différent si la Sorbonne serait domiciliée à Aubert. Mais non, putain de merde, tu voulais me la mettre à long terme. Viens faire un tour dans mon 9-3 si tu l'aimes tellement. Là où les montagnes de coke viennent droit de la Colombie. Là où les zombies sont plus présents qu'en Haïti. Elle est hardcore cette vie, mais je l'aime à mort cette pute. Peux-tu te permettre d'être abattu sans que t'aies pris une thune? À mort la vertu. En tant que vacateur et acteur actif de mes déboires, j'ai eu trop peur qu'il ait fallu que je me mette à boire. Toujours pas disque d'or, mais toujours trop de choses à dire, trop de choses à fuir. Que je dors même plus quand je dors. Ta grosse dédicace à monstre marin, c'est la machine de guerre. Qui finissent dans des boîtes à partout. Heureusement c'est pas général, y'a aussi des gens qui tapent. Des petits frères qui mettent des baffes au bac et des noix qui tapent au black. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes forts. C'est pour ceux qui écoutent au port et ceux qui mangent pas de porc. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de lobby. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes forts. Ma boîte le nord que des gros sous, pourtant nos mains sont dans la boue. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de lobby. Le général, Marc Tailleur, cheer, Maître Gims, cheer. Ça vient d'Aubert, mon frère. On a la dalle. 93 hardcore. Ça vient d'Aubert. Levez les bras si vous êtes 93 hardcore. Un gros classique, un gros classique. Je suis une légende le 20 avril. 93 hardcore. Un hymne. 93 hardcore. Ce ouais, gros de tandem. Gros classique. Gros classique. Quel souvenir t'as, toi, quand tu réécoutes ce morceau, premier studio, peut-être le tournage du clip aussi qui était... Ah, tournage du clip incroyable. On a fait un peu le tour de toutes les villes voisines dans le 9-3. Tout le monde s'était investi, ça a fait exister le 93 de la manière la plus authentique et c'est un joli souvenir. C'est dingue. Ouais. Quand ce son est sorti, si t'étais pas de Aubert là-bas, t'étais rien quoi. C'est vrai, il fallait être de là-bas. Ouais, fallait être de là-bas, c'est, ouais. C'était un truc de fou. Bon, et puis c'est vrai qu'il y avait aussi une suite logique pour se rappeler aussi un petit peu justement comme on est un petit peu dans cette histoire de vous deux. Il y avait, c'est vrai, comme groupe marquant, il y avait NTM. C'est vrai. Voilà, qui représentait fort à l'époque le 9-3. Et après, il y a eu Tandem. Et après, il y a eu Tandem avec justement cet hymne. Hymne incroyable. Incroyable. Avec ce clip fou. Et aujourd'hui, là, tu vois, je l'ai pas réécouté depuis l'époque. Il n'y en a pas eu des clips comme ça depuis. T'as justement eu beaucoup. Ouais, il y en a eu. Mais il y a eu Mafia Kin Free, c'est vrai. Ouais, Mafia Kin Free, c'était le même game, tu vois. Voilà, il y avait Mafia Kin Free, et puis c'est vrai qu'il y a 93 hardcore. Après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de clips qui se passent dans les cinémas. Oui, forcément, ça a donné naissance à des, comment on dit, à des mini-celles, les petits celles. Ouais, c'est vrai. Ceux qui connaissent des BZ, tu vois. Les petits celles bleus, là, qui sont arrivés. C'est vrai, c'est vrai. Les petits celles bleus, en effet. Bon, bah voilà, toujours un plaisir de réécouter ce morceau. On passera d'autres morceaux aussi ce soir de Tandem. Je crois que. Tu parlais d'Imagine, un morceau Exactement. Moi, ce morceau, il me tient à cœur parce que il a joué un rôle super important dans ma carrière et dans la carrière de Section d'Assaut aussi, parce que c'est des morceaux sur lesquels on s'est qu'on a écouté, qu'on s'est calqué, on a pris des claques avec ces morceaux-là. On a passé des nuits blanches à les réécouter et tout. Et ce morceau s'appelle Imagine. C'est un solo de Mac Taylor. Ouais. Ce morceau, c'est juste dingue. Tu vas voir, là, quand je vais le passer, je vais recevoir des messages des autres et tout. Ouais, en plus, il y a une petite anecdote, c'est qu'à la base, genre, le morceau Imagine, c'est le premier morceau tandem, en fait. C'est un solo, mais c'est le premier morceau tandem parce que c'est le premier morceau qui a été enregistré pour le EP Tandem, cet titre qui était sorti à l'époque. Je l'avais enregistré le même jour que Sport 200 avec Bustaflex et Dadou à l'époque, là, qui était le premier. Tu te rappelles, c'était le premier extrait de Mission Suicide. Et donc, c'est le plus ancien titre de Tandem qui existe. Et bon, on va le réécouter dans un instant. Vous balancez vos messages aussi avec le hashtag, Mac Taylor et Gims sur Skyrock. Ça arrive dans le studio. Le hashtag, les gars. Allez-y, balancez. Et merci à Gims et à Mac Taylor de nous avoir apporté des magnifiques cigares. Cigares de Cuba. Cohiba. Un magnifique Cohiba qu'on a en train de. Ça m'a coûté un bras, c'était pour Fred. Nous sommes en train de déguster. Alors, je rappelle que fumer est dangereux pour la santé, etc. Ouais, ça se fume pas. Voilà, d'ailleurs, vous l'entendez. Vous l'entendez. Mais là, il faut pas avaler. Non, mais l'impression d'être. Pas inhalé. Ah non, jamais le cigare. Jamais le cigare. Faut toujours recracher, faut crapoter. Crapota. Il faut prendre le goût, hop, l'humer. Et après, toi, tu fumes pas le cigare, Gims. Mac Taylor, tu fumes. On s'est prêté au jeu. Je fume pas le cigare, mais bon. Mais là-bas, on a fumé un peu le cigare. Quand t'es là-bas, t'es à Cuba, tu vois le Che partout, Che Guevara partout, machin, avec le cigare, tu dis putain. À un moment, on dit ça fait stylé. Attends, je vais essayer le cigare. Voilà, on a un peu fumé le cigare. Ah, c'est la culture. Bah oui. Tout le monde fume le cigare. Ne bougez pas, dans un instant, on va revenir. Mac Taylor, Maître Gims avec nous toute la semaine. Entre 20 et 21, il y aura votre freestyle par téléphone. On passera le son aussi, Imagine. C'est juste après ça. Cure. Ladies and gentlemen. Ce soir, Skyrock reçoit Mac Taylor, Maître Gims, pour une heure d'exclu et de total direct. C'est maintenant sur Skyrock. C'est toute la semaine entre 20h et 21h. Mac Taylor avec nous. Maître Gims est là aussi. What up now? Et ils sont là avec les sorties pour 2015. Celle de Mac Taylor, ce sera le 20 avril. 20 avril, je suis une légende. 20 avril. Et puis la tournée Maître Gims, on va être un petit peu plus patient. 12 novembre. Ouais, voilà. Zénith de Nantes, et puis novembre, décembre. Je concours à envoyer vos selfies avec. Ah oui, avec vos places de concert. Vos places de concert. Et en plus, j'ai appris. Pour le full access en backstage. J'ai appris une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que le tirage au sort qu'on fera vendredi, ça va être long parce que c'est à chaque fois deux gagnants par ville. Ça va être long, pour assister aux répétitions. Donc. N'hésitez pas, allez-y, 41759 pour balancer les photos. Et vous nous les envoyez sur le planetrap@skyrock.com, comme c'est le cigare. Hein. Compliqué, Mac d'ailleurs. Non, je suis malade depuis Cuba, là. Je fais que tousser depuis. Ah bah, vous avez pris une petite déflagration sur les températures, non? Ouais, je pense, hein, c'est ça. Hein. On monte, on descend, on prend l'avion. Ouais, on est revenu ce week-end. Il arrive quand d'ailleurs le clip, laisse-moi te dire, on peut l'annoncer ou pas? Ou c'est un peu trop tôt? Je pense qu'on va. Lundi prochain. Ouais. Lundi prochain? Ouais. Il sera monté, vous pourrez découvrir les images. Ouais, ouais. Voilà. De laisse-moi te dire, et en attendant, il y a le morceau évidemment sur Skyrock. Il y a quelques minutes, on parlait d'un autre titre important dans la carrière et voilà. D'un carrière de tandem de Mac Taylor. De Mac Taylor. Et pour toi aussi, important parce que quand tu l'as entendu, tu dis merde. Voilà. Moi, c'était pas là, j'étais en train de gratter, j'étais au laboratoire. J'étais encore au labo, je n'étais pas prêt, donc on écoutait ce genre de son-là. On a été éduqué avec ce style de son-là, imagine. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. Gros classique. Classique ! La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. C'est du 15 ans d'âge. Tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Frisson ! Tu sens sa présence quand tu pars au travail. À ton regard, oui, empêché de voir la vérité. Imagine, sans jeûne, sans gêne, qui fume la Marie-Jeanne, qui se fout de mourir jeune, encore une âme que Paname condamne. Imagine, un œil pour accueillir les pleurs, un cœur pour assumer l'effort, avoir une cellule pour demeure. Imagine, les USA qui face à l'Irak capitule, imagine la peine capitale. Imagine, moi plein de thunes, imagine, une arme de poing dans la main d'un enfant qui répond que sa mère est la femme battue du bâtiment. Imagine, le poing d'un Schmitt sur la gueule à ton père, ta vie natale sans repère, un dollar qu'on intolère. Imagine, verser une larme de bière pour les défunts. Imagine, un jeune qui s'acharne pour parvenir. Imagine un chef d'état d'Afrique qui trafique, troque sa patrie à l'Occident pour raisons politiques. Imagine la colère d'un nazi, l'euthanasie pour abréger les souffrances, les douleurs d'une maladie. Imagine la peur d'un père immature, une paire de gants de combat. Et tous ces gars qui nous censurent, imagine. À quoi bon imaginer quand les jeunes de chez moi se tirent dessus pour un billet. Imagine ne jamais voir, mais à mes dépens j'ai vu qu'une pourriture pourrait me trahir pour un écu. Qu'un seul homme vienne me dire m'avoir jamais trahi. Qu'un seul homme ose venir calomnier ma biographie. Imagine le prix du pétrole, la chute du CFA, un révolté qu'à la parole, un concert de Nas aux USA. Imagine la vie d'un malchanceux qui malgré sa chancelle en selle chevalier, car chômé n'est pas mieux. Imagine ce fort besoin de fortune, ce qu'est le crime pour l'opprimé, puis les dures misères de ma commune. Imagine ce père smicard au salaire misérable, d'où ma vue horrible, paternelle d'une fille adorable. Je sais c'est triste, mais imagine un peu mon cœur entouré de conspirateurs. Ma vie n'aspire qu'à la rancœur. Imagine qu'en bas de mon immeuble, rares sont les jeunes aimables, et j'ai ce refus catégorique sur ces bavures intolérables. Imagine un Kosova qui s'en sort la vie sauve. J'ai fait l'effort, mais la vie ne m'a offert que les flammes. Imagine ces chroniques sanglantes subies par les juifs, pour eux la haine est une soif, qu'un verre de sang serait jouissif. Imagine Mandela, 27 balais dans un trou, la colère qu'un insoumis ressent quand sa vie est sans un sou. Imagine que chaque jour ma haine j'évacue, car la vie dont j'ai rêvé n'a pas été celle que j'ai vécue. Imagine la vie d'un sans-abri privé de bien-être, toujours sous, sans jamais rien dans son assiette. Imagine avoir l'anti-gang sur le dos, un gang-gang sur un dos, un gang-dang sur un gars, avoir subi trop de ragots. Gros, imagine 45 jours au mitard, les pleurs, le sang sur les murs, signe d'un atroce séminaire. Imagine une France homogène où les gêneurs sont les mêmes, les gens morts sont les mêmes. Mec, j'ai trop peur pour ma môme. Imagine comment l'époque s'obscurcit, sa noirceur et sa misère font que le jeune du bloc s'endurcit. Imagine cette pluie ténébreuse qui tombe sur nos fils, cette nébuleuse de neige qui dans nos colisées nous pénalise. Imagine tandem au panthéon, perestroïka dans les rangs, dominateur sur le béton. Sur le béton, le fait que tout en ça me rappelle l'époque de Lalan. Black House, oui, c'est sur l'instant. Faire flipper la mort, l'excès d'amour, par de ce que mes proches vivent, ce que je bâtis. J'ai l'âme de la rue, le vécu qui est en moi. Je suis une légende, oui. Le 20 avril dans les bacs, Mac Taylor, je suis une légende. Le 20 avril dans les bacs. Le 20 avril dans les bacs. Imagine à l'instant, Mac Taylor, Gims, ça t'a fait plaisir. Hein. Ah, émotion, oui. Émotion, émotion, émotion, émotion, ah, oui, émotion. Émotion. Ça va, la voix, le flow et tout Ah, c'était. J'avais 20 ans, c'est. Ah, c'était des. Ah, si j'avais 20 ans, c'était des. C'était l'époque des plumes chirurgicales suraffûtées. Éduqué au chill, à tout ça, c'était incroyable à l'époque. Le morceau s'appelle Imagine, pour tous ceux qui veulent savoir et le retrouver aussi, on peut le trouver sur le net un peu partout. Hein. Le hashtag Mike Taylor et Gims sur Skyrock pour agir et balancer tous vos messages. Allez-y, dans un instant on mettra un autre titre. Qu'est-ce qu'il y a de prévu comme morceau On reste sur la discographie de Tandem, de Mike Taylor, Gims. Le type n'a que des classiques, donc là c'est un problème de riche. Là non, là je pense pas... qu'on va envoyer deux classiques par jour, tu vois. Mmh. Et on va envoyer les derniers. Deux classiques par jour, ouais, quoi, normal. Voilà. Et puis on va envoyer ce qui a fait le buzz 2.0 de Mike Taylor. J'avais sorti des grosses mixtapes, même on sait. Des bangers. Des bangers. Banger. Et là, on va envoyer Rap Game, qui est un son, pour moi, qui est un nouveau déclic dans mon artistique. Que un gars qui prend des capris, beaucoup de risques dans sa carrière. Un mec qui a vu derrière l'horizon. Un des premiers, peut-être le premier qui est arrivé avec des délires trap, des machins comme ça, des trucs, des mecs d'Atlanta, tout ça. Un gars qui est arrivé avec ça bien avant. Tu vois ? C'est vrai. C'est ça, Mike Taylor aussi. C'est un gars qui a vu derrière l'horizon. Est-ce que ce sera ça aussi sur ton album qui est en préparation ? Est-ce que tu vas tester des choses ou... Oui. Ben, regarde, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais du morceau avec Maître Gims, qu'il était surprenant. Laisse-moi te dire, ouais. Ouais, ben parce que en fait, pour moi, c'est ma façon de travailler en studio, d'être toujours essayer de surprendre, de jamais rester cantonné à quelque chose de basique. Et donc mon album, c'est un peu, c'est toujours comme ça, toujours à la recherche de nouveaux trucs artistiques, de faire toujours des gros classiques de rap français et en même temps de ramener quelque chose de nouveau dans le rap. Et je pense que là, l'album qui va arriver, il est vraiment, vraiment, vraiment lourd. Toi, Gims, t'as quel rôle sur l'album ? Tu vas souvent en studio, t'écoutes, tu donnes ton avis ? Il y a une part aussi artistique ou pas ? Oui, bien sûr, il y a un suivi, on suit de près comme de loin, on s'envoie des sons, j'écoute. Il a écouté des instrus que je lui ai envoyés. On a dit non, pas sur celle-là, faudrait plutôt la faire tourner comme ça, machin. Il y a un vrai travail, quoi. Il y a un échange, ouais. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pas juste dans son coin. Non, c'est pas juste, c'est le marketing, il est dans le label, machin. Ouais. Ah non. Ouais. C'est pas que ça, c'est une vraie implication, ouais. Et puis avant toute chose, on est des artistes qui, on s'apprécie mutuellement et on se fait confiance, tu vois, artistiquement parlant. Donc quand on se donne des conseils, on s'écoute vraiment parce qu'on sait que c'est pour le meilleur. Voilà. Et bien, il faudra quand même attendre le 20 avril. Oui. Pour découvrir. Un petit peu avant. Je pense qu'on aura un petit peu avant. Bien sûr. Ne bougez pas, dans un instant, on vous passe un autre morceau, donc extrait des bangers, ce sera le Rap Game. Ouais. Et là, on est avec Robs de Bordeaux par téléphone. Salut Robs. Ouais, salut Fred. Comment va Robs ? Ça va, tranquille, et toi, la famille ? Eh bien, écoute, on est bien cette semaine. Regarde, Mike Taylor, Maître Gims. J'avoue que là, cette semaine, on est à l'aise. Eh bien, on est bien. Là, il n'y a rien à dire. Tu vois, là, je disais à mon collègue, le son qu'on a écouté tout à l'heure, ça me rappelle l'époque où on mordait dans les piles pour faire marcher le lecteur CD. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as connu ça aussi comme technique ? On l'a connu, frère, obligé. Hein. Ok, Robs. Tu connais. Eh ben, on va t'écouter rapper maintenant. Vas-y, on est là, on est chaud. S'il y a un bout de pile que t'as mordu qui traîne, quoi. t'inquiète, frère. On a les chicots, il y a des restes sur les chicots. Ils sont robustes, y'a pas de problème. T'inquiète. Allez, Robs, session freestyle par téléphone. Ouais. On t'écoute. Yeah. Rap Ghetto 2, toujours dans les bacs, check ça. Héros PS, calibré d'un mic. 1, yeah, ça fait, check. 1. Quand la nuit tombe, tous les chats sont gris. Je prends ma caisse, fais le tour de ma ville. J'y vois des choses pas nettes, des putes parésies. Les joies s'allument pendant que les étoiles brillent. Ça refait le monde, la tête à l'envers. Chez moi la gravité, on lui baisse sa mère. Ça vient de PX, poteau, bienvenue en enfer. Héros PS, Kizo, j'ai déjà qu'on m'enferme. Quand la nuit tombe, toutes les chats frémissent. Y'a pas que des bombes sur mon 06. Ça rappe simple et efficace, grimpe et prends ta place. Dernier des premiers, ta putain de classe. Quand la nuit tombe, on te voit plus. Fini les sons à l'arrache, ça t'affance, tu Bilal et Saïd. J'dirais même plus que ça, tu les retrouvailles sur un 16. Seul ou sous la lune, on s'est perdu, sous la lune. On est sous stup, calibré d'un mic, toutes les faces tu. La feuille n'est jamais blanche, coup si t'es vaincu. Sous la lune, on s'est perdu, sous la lune. On est sous stup, calibré d'un mic, toutes les faces tu. La feuille n'est jamais blanche, coup si t'es vaincu. Bref. Ok, Robs, à l'instant, en freestyle de il rappe. Bien sûr qu'il rappe. D'ailleurs, je voulais passer un petit message à Mike Taylor, ouais, merci frérot, t'as validé le son avec le frérot Batso Avengers. Ah oui, oui, oui, oui, je m'en rappelle, vois, je m'en rappelle très bien. Merci beaucoup, frérot, ça fait plaisir, tu vois, ça touche, tu vois, ça fait plaisir. Ah, de rien, de rien. J'apprécie les bonnes choses et je le dis, c'est tout, il n'y a rien. Si, si, ça fait plaisir, la famille. T'as dit, sinon, je vais lâcher une petite dédicace à moi-même. R.O.B.S. R.O.B.S. si tu veux me retrouver, Kouya. Tu as raison, tu as raison, frère. Bordeaux sur Facebook, Instagram, Twitter. Si t'as internet, tu me trouves, Kouya. Une petite dédicace aussi au frère Sefiu. Il est hard avec WAM. Il a fait des bacs tranquillou. Au frère Younes. Et voilà, la 106 du ghetto qui est hard là à côté. On est là. R.O.B.S. Bordeaux, on est là. Eh ben, merci à toi, R.O.B.S. Robs, à l'instant, en freestyle. Ciao ciao Rob ciao. De Bordeaux à l'instant en freestyle dans Planète Rap. Le Planète Rap avec Mike Taylor, avec Gims tous les soirs entre 20 et 21. Et on le disait juste avant le freestyle de Robs. Cette fois-ci c'est un titre un peu plus récent. Ouais. Extrait de différentes c'est quoi Digitape qui sont sortis. Ouais, c'était des Digitape, des projets qui étaient sortis uniquement en digital, qui ont fait pas mal de buzz. Et franchement je suis content. Et aujourd'hui, j'ai envie de balancer Rap Game parce que Rap Game est un morceau qui était vraiment un état d'esprit dans lequel j'étais à un moment précis et dans lequel je suis encore aujourd'hui. Et franchement, c'est un grand cri de guerre. Et quand je le faisais en concert, c'était tellement incroyable. Je me croyais dans un terrain de foot à chaque fois que je le faisais. Donc, et bah, direction voilà. Terrain de foot. En parlant de foot, Momo la CAN, ouais, c'est 0-0 Algérie, Afrique du Sud. Ouais, 0-0. Tu suis qui suit la CAN Je suis hier, ouais, un petit peu. Je veux pas dire Cameroun fond, ouais, je les sens bien cette année. Momo, Algérie, tu sens toi ouais, Algérie. Gims. Bah Algérie. un petit favori ou pas de la compétition? Non, bah suite à ce qui s'est passé au mondial et tout, c'est clair que. C'est chaud, ça peut être notre prix. Ouais. On suivra ça. En tout cas, là, pour l'instant, 0-0 dans la CAN entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. On balance le morceau, allez, c'est parti, Rap Game. Yeah. Rap Game. Yeah. Rap Game. Rien à foutre de ce qu'il y a de merde. Rap Game. Rap Game. Rap Game. A tous les frérots, placard, Bakshish, Boulay, Linders. Rap Game. Rap Game. Si je vous sors les armes, c'est que cette personne a partagé ma peine. Rap Game. Rap Game. Rap Game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Yeah. Partagé ma peine. C'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Oh, Bakshish, Boulay. Personne n'a partagé ma peine. Linda. Rap, game, rap, game. Slimane, Doudou. Slimane, Doudou. On s'en bat les yeux, coup. On s'en bat les yeux, coup. On s'en bat les yeux, coup. Le général s'en bat les yeux coups. Hier tu t'es payé tout. Oui. Mais la chance s'en bat les yeux coups. On s'en bat les yeux coups. Le général s'en bat les yeux coups. On me dit que le rap en couille. Je dis que j'ai rien à voir à chaque fois. Ce soir je perds mon sang froid. J'ai le cœur qui chauffe comme la tête sous la chapka. L'industrie va me hakan. Mais moi j'ai la montagne de voyou. On s'en bat les yeux coups. Le général s'en bat les yeux coups. Rap game. Rap game, rap game. A toutes les prisons de France. Tenez bon les frérots. Rap le H de guerre. Rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. 93. Partagé ma peine. C'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Un touch boy. Partagé ma peine. C'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Le H rap game. 20 rimes dans les packs. Rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. On s'en bat les yeux coups. On s'en bat les yeux coups. On s'en bat les yeux coups. Le général s'en bat les yeux coups. Tu vas de la gueule trop. Je te voyais percer dans le deux fous. Pas de chance, pas de chance. On s'en bat les yeux coups. Le général s'en bat les yeux coups. Pas de chance, pas de chance. On revient de West Indies. Laissez se gérer par les Rasta. Pas besoin de calame, des marques et des autres, ça a toujours été mon dada. Sans que le diable soit passé par là. Je sens mes démons qui me chahutent. On s'en bat les yeux coups. Le général s'en bat les yeux coups. Rap game, rap hey, game, rap Thierry game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Rap game, rap game, rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Bang, bang. Partagé ma peine. C'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Bang, bang. partagé ma peine. C'est que si personne n'a partagé ma peine. La légende. Si je vous sors les armes, c'est que si personne n'a partagé ma peine. On s'en bat les yeux coups. On s'en bat les yeux coups. On s'en bat les yeux coups. Le général, on s'en bat les yeux coups. Ça va les vaut tous les morts. Parce qu'il est pété à l'état ce coup. On s'en bat les yeux coups. Le général, on s'en bat les yeux coups. Ça pue la chatte dans ce rap game. Genre de Kefter dans son manoir. Arrête de cocaïne et des grosses batteries. Sont une arme de leur avoir. Si j'étais l'âme dans la voix, c'est qu'elle n'avait plus à couler. On s'en bat les yeux coups. Le général s'en bat les yeux coups. Rap game. Je suis une légende. C'est qui cette personne n'a partagé ma peine. Rap game. Si je vous sors les armes, c'est qui cette personne n'a partagé ma peine. C'est qui cette personne n'a partagé ma peine. C'est qui cette personne n'a partagé ma peine. Rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a pas lâché. On s'en bat les yeux coups. En mode banger 93. Dédicace à mon parrain Maître Gims El Khedekhani. IDR Black House Mohamed, Dieu. C'est le Planète Rap avec Maître Gims, avec Mac Taylor. Morceau à l'instant, Rap Game, qui a déclenché tout le monde. Hein. On peut saluer d'ailleurs un saut qui est dans le coin, X-Gangs. Un saut, le véritable X-Gangs. Ou le clone de X-Gangs. Gélas. C'est pas trop. Il est là, en tout cas, voilà, qui a déclenché tout le monde, hein, ce morceau Rap Game. Ouais, c'est une décharge. C'est une décharge émotionnelle. Je kiffe trop ce son. Tiens, on nous envoie des photos, regarde Gims. Ouais, voilà les photos. Les premières photos de Bercy. Pour le lundi. Ça sent la fosse. 14 décembre. Ça, tu crois que c'est la fosse de Benko? Ça sent la fosse, ça. Alors, c'est les gens déterrent, ça. Pour tous ceux qui ont déjà acheté les places, vous prenez en photo avec les places, vous l'envoyez à planetrap@skyrock.com voilà. Cette semaine. Tirage au sort pour être en full access, au backstage, manger au catering. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il paraît qu'en plus, le repas au catering. Le repas, c'est quelque chose. Attention. Alors, j'ai des cuisiniers, là. Maintenant, c'est vrai qu'avec le succès Games, il y a des cuisiniers. Une vingtaine de cuisiniers. Ah, mais c'est terrible, là. Donc, si vous voulez bouffer gratos avant le concert, n'hésitez pas. Achetez vos places. Capture d'écran si vous n'avez pas les places en physique. Hein, vous nous envoyez tout ça à Planète Rap. Voilà. Pour manger 41759. Et pour les messages, on a fait 41759 avec le hashtag Mac Taylor Games. Sur Skyrock, vous réagissez à l'émission évidemment. Avant de faire tourner la roulette dans quelques minutes, allez, on balance un dernier son. Ouais. Ok. On avait dit deux classiques, deux plus récents. Et je voulais placer un morceau un peu, un nouveau classique, nouvelle génération, qui s'appelle Tu sais qui je suis. Qui montre que Mac Taylor est là depuis longtemps et qui donne toujours autant d'intérêt à faire du gros rap de lyriciste quand il faut le faire. Et bon, on le balance maintenant sur Skyrock. Voilà. C'est pour les untouchables soldats ce soir. Tous ceux qui ont toujours soutenu El Général. Dieu. La vie nous a fait du mal, la vie nous a fait du bien. Ici on rêve de gens hard, pas comme les princes saoudiens. Je rappe en indépendant, j'espère que tu me soutiens. Un touch ball sur l'étendard, tu sais qu'on revient de loin. J'ai vendu pour manger du pain, pas pour une paire de louboutins. M'a rabouté par une putain, t'as tout pris, tu restes en chien. 357 sur le coussin, ça sent la mort comme à la Toussaint. Impuissant face au drame du quartier, vécu ma sain. Peine de cœur, peine de carte plein, je cherche mon chemin. Écoute ces notes de piano, regarde le ciel et fume.

Ah, ça fait plaisir. De rien. Je te fais des bisous. Passe une bonne soirée. Merci, vous aussi. Big up à Maître Gims, à Max Tailleur. Merci, et merci. Je peux faire une petite dédicace? Vas-y, vas-y, on t'écoute, Donia. Dédicace à ma copine Elodie, ma copine Déborah et à tout le 95 et à l'Algérie. Ah, big toi aussi, t'es 1, 2, 3? Ah, bah oui, il faut. À fond, toujours 0-0, hein, pour. Et c'est la mi-temps en ce moment, donc on suivra ça chez Diffoul dans un instant. On te fait des bisous, d'accord. Passe une bonne soirée, Donia. Passez une bonne soirée, au revoir. Ciao, ciao. Demain, on sera de retour. Merci à Gims, merci à Mac Tailleur. Laisse-moi te dire, c'est le morceau avec lequel on débute chaque soir entre 20 et 21. Le clip arrive la semaine prochaine. On l'a dit, et puis l'album de Mac Tailleur, ce sera le 20 avril. 20 avril, 20 avril. Merci, messieurs. Une date phare. Merci. Demain, de retour. Merci à tout le monde, tous ceux qui soutiennent. Merci à la France, merci à tout le monde. À Cuba et au monde entier. À Cuba. Oui. Merci à vous deux. En tout cas, allez, on va retrouver Diffoul maintenant sur Skyrock. Eh ouais, on est là. Libre. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Hello. Bonjour. Comment ça va, Redo? Hello. Va, hello. Bon, Gim, c'est Mac Tailleur. On avait des cigares pour vous, mais j'en ai volé un, moi. Pris, hein. Non, j'en ai pris. Ah ouais, attends, on en a pas eu. Ouais, ah ouais, la chance. Cigare Cohiba, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est les meilleurs. Avant de partir à Cuba, c'est ça? Voilà. Ah bah ouais, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. On vous retrouve demain, en tout cas, Gim, c'est Mac Tailleur. Bon, content de vous écouter. Lourd, a dit Cédric. Ouais, ça fait plaisir. Merci à vous, les gars. On a retrouvé du tandem tout à l'heure. Je sais pas si vous étiez à l'écoute à 20h15 dans Planète Rap. Ça démarre à 20h, faut pas louper. Hein. Ouais. Donc demain soir, on sera là avec vous deux, avec Fred aussi. Gims, Mac Tailleur toute la semaine dans Planète Rap. C'est 20-21 et 21h minuit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que se passe-t-il? C'est nous, ça y est, on est là. Des surprises ce soir? Oui, même pour nous d'ailleurs, des surprises. Ah. Hein. C'est parti dans un instant. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 01 53 40 30 20. Il y a toute l'équipe qui vous attend. Si vous avez un truc à dire, si vous voulez profiter de la soirée, si vous voulez faire les cons, allez-y. Ouais. Radio libre jusqu'à minuit. Et Fredo, petit blind test pour Mac Tailleur et Gims. Pour changer. Okay. Attention. J'ai Jeffrey, ah, Jeffrey. Ah, remets-nous des glaçons. Ah, il est facile aujourd'hui. Il est simple, ouais, ça. Dédicace au frère. Jeffrey. On s'en fera tous les soirs. C'est moi qui rêve. Si tu danses à la Carlton. Waouh. Danse à la Carlton. Chorale. Danse à la Carlton. J'aurais chanté Gims. Ah ouais, grave. Moi aussi. J'ai chanté avec Gims. Sopra, il arrive dans un instant. Merci Gims. Merci à vous. Merci Mac Tailleur. Ah, merci. À demain. Et merci Fred et à demain. Radio Libre, c'est parti dans une minute sur Skyrock. On y va. Ciao, ciao. Ciao. Premier sur le cash. 1500...